Ngai nazali na ngai mbisi na vivaka se na mai mai yango nde liloba na Nzambe poete na arche ya Noé bambisi bakotaka te kasi bakufaka pete sa c'est une longue histoire et une longue interprétation balabala ngo nde yango te malembe malembe tokokoma. Nous avons compris que sans toi Seigneur, nous ne pouvons rien faire dans ce monde. Nous avons compris que sans toi Seigneur, nous ne pouvons rien faire dans ce monde. Ce n'est pas parce que Pierre l'a dit que nous les disons aussi, mais cela vient du fond de nos cœurs. Oh, oh, oh, près de qui Seigneur, irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Yahweh, ainsi nous voulons nous confier à toi. Zali lokola passeport rouge bapesaka ngo na n'importe qui te kasi yo mérité yango na motema na ngai. Nous avons compris pour être enlevé il faut croire à toute la parole révélée dans notre monde, et cette parole révélée c'est bien toi Jésus. Ainsi nous voulons nous confier à toi. Qu'il y a des ténèbres qui couvrent la face de la terre, qu'il nous faut seulement la lumière, et cette lumière oh, c'est toi Jésus-Christ. Yahweh, ainsi nous voulons nous confier à toi. Motema nanga Yahweh, nabakiselio mongongo nanga Yeswe, nzoto nanga ilokola mbeka na malati Yahweh, sunganga kolo. Osa misone, akwela kipo apesa ki yo e vovele nzoto na ye yesu e nde motema apesa ki e nde na dalila e nga ina pesa yo ninye kolo yesu e nga na pesi yo libota nanga yawe na bakiseli yo mosala nanga yesu e Gana pesio, baleki nanga yawe. Gana pesio, kote kananga yeswe. Nzoto nanga iloko lambeka na malasi yawe. Zunganga kolo. Ale, yoko bota mana motema e nangai, ngai na pesa yo ninye, kolo yeswe, ngana pesio, voyage nanga yawe, ngana pesio, mokanda nanga yeswe, nzoto nanga iloko lambeka, na malati e yawe, zunganga kolo. Gaina pesa yo ninye Kolo yeswe Gana pesi yo Motema nangai Nabakiseli yo Mongongo nangai Zoto nangai loko lambeka Na malasie Sunganga Kolo